Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème, et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, musique populaire, une épopée française. Une série de Béruline Barbet, réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a l'été qui vient, avec la fête de la musique et les groupes d'amateurs qui occupent le pavé ce soir-là. Mais il y a aussi le souhait de faire revivre de vieux airs qu'on aurait pu oublier, et puis l'envie de savoir les chemins qu'ils ont pris. Et aussi, ce qu'il reste de rêve dans ces traditions vivantes et renouvelées. Alors pour commencer, les personnages. Un violoniste qui picore, des bandes de cornemuseux, des sonneurs, des chanteurs qui tiennent le fil, une chanteuse à la tradition légère, un arlésien tout-terrain, des musiciens qui cuisinent et la foule des grands jours. Ensuite le décor, le massif central, des pratiques solitaires, le dialogue, ce qui reste, le feu, la Bretagne, une académie, des petits exils, du métissage, des balles, des poids qui vous soulèvent, le midi, la Camargue, du roseau, du fifre et du pipeau, Nice et le vent, une sainte noyée, des processions et des grailles. Aujourd'hui, 3e épisode, on chuchote. Je viens perturber le calme de l'église. Alors généralement, dans des espaces comme ça, le mieux, c'est de se mettre au milieu. Deux types vraiment de mélodies, d'air que je pratique moi dans cette musique du Massif Central. Il y a évidemment tous les airs à danser, donc là ça projette déjà dans un univers qui est assez ouvert, assez populaire, assez où l'expression musicale, moi à l'intérieur de ça, je vais y mettre des envies de faire danser en fait. Et puis toute la transe qui peut exister dans ces musiques, quoi, voilà. L'autre type de musique que je peux jouer, c'est des musiques de chansons, des musiques de, même si elles sont pas narratives dans le texte, des marches de noces par exemple, c'est des mélodies que je trouve magnifiques, que je joue beaucoup, autour desquelles on peut vraiment improviser. Et ça, c'est pas faire danser des gens, ça. C'est quelque chose qui raconte un cortège, une marche, la marche de deux personnes qui vont se retrouver mariées, des fois contre leur gré, qui vont devoir passer à une autre étape de leur vie. C'est quelque chose de lourd, en fait, de profond. Et ces musiques-là, moi, je les prends un petit peu comme ça aussi, quoi. Moi, à l'intérieur de ça, j'ouvre le capot, je me saisis de ce qui me plaît à l'intérieur de ça, donc le son, le timbre, les rythmes, la modalité de ces musiques, qui tranchent un peu avec des musiques très tonales, très harmoniques, qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Voilà, ouvrir le capot, décortiquer, mettre les mains dans le cambouis. Musique populaire sous influence. Le Trad, nouvelle fabrique d'utopie, par Péruline Barbet et Nathalie Battus. Il y a des mélodies trimballées d'air en air et il y a des gestes. Il y a le bouche à oreille. Il y a des instruments que l'on exhume et que l'on transforme. Il y a des cultures majoritaires ou minoritaires. Il y a des langues qui meurent. Il y a des lieux qui inspirent, des espaces qui résonnent, et des mémoires locales. Il y a des soirs où le feu brûle encore. Il y a des airs à danser, et des corps qui glissent sur le parquet, et des pieds qui frappent le contretemps, et des cadences endiablées. Il y a des chants de métier, des amours heureuses ou contrariées, des blanches biches et des belles endormies. Il y a la bourrée de Langlars et la marche de Brédoux. Il y a la note que l'on tire et des coups d'archet pour que ça vibre, pour que ça bourdonne, pour que ça sonne. Il y a des collectages et des histoires que l'on tisse. Il y a des origines que l'on cherche et des filiations que l'on s'invente. Il y a des vieux que l'on écoute encore et des jeunes gens qui tiennent un fil de son. Il y a le bruit du monde. Dans le souffle de leur flûte ou de leur bombarde, dans les boucles de leur looper et les tours de leur vielle à roue, au détour d'un bal ou d'un festival, une jeune génération de musiciens explore de nouveaux horizons musicaux et réinvente naturellement des traditions populaires à écouter, à chanter, à danser. Partout en France, ces musiciens dialoguent avec les lieux et puisent dans le vieux chaudron des musiques traditionnelles. Le périple commence dans le Puy-de-Dôme, où nous rejoignons Romain Morel. Ce grand brun à moustache, aux longs bras et au large sourire nous ouvre sa porte. Il habite la petite ville de Riom, à côté de Clermont-Ferrand. Romain s'est formé au violon au sein d'une association locale, les Braillots, avant d'en faire le carburant de ses aventures musicales. Quand j'écoute les violoneux du Massif Central jouer, j'entends qu'il y a une singularité au niveau du timbre, quoi, de la matière sonore qui est jouée, quoi. Moi, je trouve qu'il y a une inventivité incroyable dans la musique des violoneux comme Chabrier ou Gustave Hittier, qui ont des sons pas possibles, qui vont chercher des saturations de sons, de la disto, quoi, dans la façon de jouer, qui vont utiliser des coups d'archet invraisemblables. Et ça, c'est vraiment la pratique musicale solitaire qui amène à ça. Et c'est quelque chose de très intime, de très émouvant pour moi. Et donc, je dirais pas que je suis un violoneux traditionnel, moi, mais en tout cas... Finalement, ma démarche, c'est un peu celle-là, quoi. C'est de creuser dans cette matière de mélodie, de timbre, de rythme, et puis de modeler quelque chose qui me ressemble à l'intérieur, quoi. Et après, évidemment, l'étape très importante, c'est de faire dialoguer ça avec d'autres pratiques. Avec la pratique de Clément Gibert qui fait de la clarinette basse free, avec des gens qui font de la musique électronique, comme mon collègue François Arbon, ou avec mon collègue Simon, Guy, voilà, avec qui j'ai un duo de violon qui est sur cette idée-là, quoi. Alors moi j'ai 26 ans, j'ai une pratique musicale qui n'est pas très connue par les gens qui ont 26 ans aujourd'hui, mais qui n'est pas non plus par les gens qui sont plus âgés particulièrement. La pratique des musiques traditionnelles du domaine français qui plus est, et quelque chose dans le grand centre de la France qui est assez exceptionnel, qui n'était pas du tout effectivement dans le monde paysan, etc. Mais aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que quand je vais en Occitanie, sur le bord de la Méditerranée, ou que j'entends ce que font les Bretons depuis des années, je vois que il y a quelque chose qui a été moins perdu qu'ici. Qui a été moins perdu, aussi je pense pour une raison assez simple, c'est que ici on est un pays d'où les gens partent, dans l'imaginaire. Moi je suis resté. En fait je suis né à Riom, moi. Et j'y vis encore aujourd'hui, quoi. Je suis un peu allé à Clermont, j'ai grandi à la campagne, mais globalement j'ai pas beaucoup bougé de cette ville, de cette petite ville. Et je m'attache à ça. Alors pourquoi ? Je me pose des questions, hein, régulièrement. Je me dis, mais pourquoi je suis pas parti ? Pourquoi je pars pas, là, demain ? Je fais pas ma valise et je vais vivre ailleurs, quoi. Parce que, effectivement, comme je le disais, on est dans un pays où on nous supplie de partir, quasiment. Il y a cette mythologie-là. En Auvergne, c'est les Auvergnats de Paris. Cette mythologie-là est très ancrée ici. Et on ajoute à ça une pensée française, qui vient peut-être de, pour certains, de la Révolution française, je sais pas, qui est que, ou des Lumières, hein, je sais pas exactement, mais qui est cette idée que, pour s'émanciper intellectuellement, en tant qu'individu, il faut faire le sacrifice de l'héritage local, quoi, du pays natal, etc. Ce qui n'existe pas forcément dans d'autres pays. Hein. Et bon, moi, je sais pas pourquoi, j'ai voulu aller un peu contre ça. Je me suis attaché au paysage, notamment, en me disant que bah, là, il y avait quelque chose d'unique, que les volcans autour desquels j'ai grandi et pas les mêmes ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait tirer de ça? Et puis des volcans, je me suis intéressé aux maisons, aux gens qui y vivent, à l'art populaire, la sculpture. Donc effectivement, la musique était là-dedans. Et petit à petit, tout ça, ça m'a raconté une sorte de grand film, quoi. Là, les gens qui vivent au pays, c'est très touchant, quoi. C'est extrêmement touchant. Et c'est très inspirant, en fait, pour faire ces musiques-là. C'est très inspirant d'être dans le contexte. Pour moi, les musiques traditionnelles, elles mettent en lumière la possibilité d'une expression artistique qui serait populaire, qui accepterait la fragilité, la spontanéité, qui accepterait le fait de renoncer à la folie des grandeurs. Les musiques traditionnelles, elles sont source de partage et d'échange dans le sens où elles définissent pas quelque chose qui doit être. Enfin, espérons-le. Elles sont la continuation d'un intérêt pour quelque chose qui a relié des gens. Moi, j'aime bien Gustave Mahler, ce compositeur. Il dit c'est la transmission du feu et non l'adoration des cendres. Et musique traditionnelle, elles sont pas sur le marché, elles seront jamais sur le marché. Et en ça, c'est quelque chose de peut-être décroissant. En tout cas, c'est une autre forme de croissance. C'est la croissance poétique. c'est se dire, on peut faire de plus en plus intimiste, on peut aller de plus en plus vers des petites jauges, on peut aller de plus en plus vers l'exploration de la musique acoustique, on peut aller de plus en plus dans l'échange entre celui qui écoute et celui qui joue. Le bal est un de ces exemples-là. Et ça, c'est, je crois, vraiment le moteur de ma pratique dans ces musiques traditionnelles. Et en ça, oui, je pense qu'il y a quelque chose d'utopique là-dedans, d'aller contre la folie des grandeurs, quoi. Moi, je suis d'une famille où, dans les Combrailles, on pratiquait le bal clandestin. Mon grand-oncle jouait de l'accordéon diatonique dans les bals clandestins. Moi, cette idée, je la trouve très forte. Je la trouve plus forte que de dire on va faire danser la bourrée à 2000 personnes en même temps, place de Jaude à Clermont, et puis il y aura des flammes partout, et puis voilà. Et ça me semble pas être la bonne façon de parler des musiques traditionnelles. Moi, pour moi, la bonne façon de parler des musiques traditionnelles, ce serait plutôt il va se passer quelque chose d'intime, d'inopiné, voilà, dans le fin fond d'un bistrot, ou en ville, dans une grange, dans la rue, mais voilà, plutôt sur cette façon de parler là, des musiques traditionnelles. J'ai perdu, mais bon, elle m'a un peu dépassé. Bon, mais ça va, c'est pas pour regarder en entier, de toute façon. On va prendre des petits bouts. Mais... Musique populaire sous influence. Sous influence, comment on pourrait traduire ça autrement en français? Parce que le mot influence, sous influence, c'est un concept que je trouve pas. Ah, alors, il y a le mot livet qui veut dire coloré, mais ça veut dire mentir aussi. Musique publique, livet. Musique populaire sous influence. Musique populaire, colorée, repeinte et avec un peu de mensonge. La petite carte sur la... Les questions de pédagogie et de transmission des musiques traditionnelles font débat. Comment enseigner et transmettre ces musiques alors que les cadres anciens de transmission ont disparu? Ces musiques de l'oralité sont-elles solubles dans les conservatoires de musique? Dans le solfège? À l'initiative du musicien Éric Marchand, l'association Drôme en Bretagne propose une alternative. Elle a créé son école, KBA, Cresbraise Academy, qui propose un enseignement basé sur la compréhension des règles d'interprétation de la musique modale et sur la musique populaire bretonne, qu'elle met en dialogue avec d'autres traditions du monde. Cette année, KBA s'empare du bagad, comme outil de travail et de création. Ces orchestres, inspirés du pipe band écossais, se sont répandus dans les années 50 et structurent le paysage musical en Bretagne. Clément Chauvet, chanteur du groupe Dubartas, nous présente le groupe, issu de la promotion de l'année. 18 musiciens et autant de bombardes, clarinettes, trompettes, cornemuses, percussions, basses et guitares. Il y a des sonneurs de bagad, il y a des sonneurs de couple, bombardes Bignou, des percussionnistes, il y a les deux chanteurs, le couple de chanteurs, Axel et Elodie. Et il y a Ignacio qui est le guitariste, qui lui est argentin, qui vit à Paris. Ouais, donc il y a une trop jeune gosse aussi, un clarinette là, un sax. Le Bignou, c'est le petit là, qui est la petite cornemuse qui est au milieu là. Il y a un trombone, Sophie elle joue du trombone, elle fait partie d'un groupe de cumbia. Elle n'est pas du tout du milieu du bagad. Saxo là. Ce saxo, il est... Ouais, Yann Ewen, il est... Bon, ils sont plusieurs saxos. Il y en a un, c'est le plein sonneur du bagad de Plougastel d'Aulas. Et Yann Ewen, il est sonneur de couple. Et il joue dans un groupe de jazz fusion qui utilise la musique bretonne à danser pour... Enfin, dans une esthétique complètement électro-jazz, mais en fest-noz. J'ai attendu quand même quelques années, puisque c'est en 2000 que j'ai eu l'idée de construire ce projet KBA, créé sur les académies, qui visait, Éric Marchand, toujours d'ailleurs, à utiliser la modalité et la microtonalité. Moi, j'ai découvert la modalité par la microtonalité, alors il faut que j'explique ce que c'est probablement, parce que c'est un peu complexe. La microtonalité, c'est très simple, c'est d'utiliser d'autres notes que celles qui sont sur le clavier du piano. La modalité, c'est une manière, moi j'appelle ça l'entendement modal. L'entendement modal, c'est une manière de concevoir la musique d'une manière modale et non pas d'une manière tonale, donc pas d'une manière harmonique. C'est-à-dire de penser que les lignes mélodiques, elles sont des successions, on parle souvent d'horizontalité, et qu'elles sont des successions et que les variations qu'on va faire, elles sont liées à une ligne mélodique et à rien d'autre, ou presque. Ça, c'est la grande différence. Et on peut parler de musique modale, clairement, lorsqu'on est face à des musiques savantes, des makams orientaux turcs, ou arabe, voire du système persan. Mais il existe des musiques populaires qui utilisent ça, et c'est pour ça que je parle d'entendement modal quand on est dans les musiques populaires, et non pas vraiment de musique modale. Parce que en Bretagne, par exemple, nous n'avons pas le sens du mode. On n'a pas des noms pour appeler les modes. Si on se met dans ce sens-là, ça serait mieux. Mais on peut lui dire d'aller jouer. Alan Leutener est sonneur de couple. C'est un duo qui associe le biniou, une forme de cornemuse, à la bombarde. Ces formations de sonneurs de couple ont développé des styles de jeu virtuoses qui sont encouragés par les nombreux concours organisés dans la région. En vrai, c'est puissant, hein. Même après deux portes. J'aime beaucoup ce terme sonneur, sonner. Ça correspond bien à ce que vous faites. On dit sonneur un peu pour tous les instruments en Bretagne, en fait. On dit un sonneur de violon, un sonneur de clarinette, pourquoi pas un sonneur de trompette aussi, mais... Prendre un instrument qui est à la base pas un instrument breton, quoique ça fait quand même à peu près 100 ans facilement qu'on joue de la clarinette en Bretagne, si ce n'est plus. Et en fait, les anciens qui sonnaient de la clarinette, ils ont trouvé un subterfuge pour pouvoir jouer avec des notes qui n'existent pas sur la clarinette. Et en fait, ils bloquaient une clé avec un petit bout de papier, ou ce qui leur passait sous la main, voire des fois ils mettaient un élastique ou un bout de ficelle, et en fait ils se débrouillaient pour avoir une note qui est entre les deux, ni majeur ni mineur, et ça donne ça. En fait, les instruments qui étaient des instruments utilisés principalement pour l'extérieur, il fallait qu'on les entende. Donc on n'est pas dans un univers feutré de musique de chambre pour la bourgeoisie ou les nobles. Les classiques, ils vont jouer comme ça, quoi. Moi, j'aime pas ça. Nous, ce qu'on cherche, on est à peu près tous d'accord en Bretagne pour cultiver un son plus acide, quelque chose de justement très timbré, avec beaucoup d'harmonique, qui va ressortir plus, quoi. Ça, c'est un appel à la danse. C'est pas fait pour s'endormir, pour que les gens disent « Ah, c'est beau !» Non, on n'est pas là pour faire de la musique jolie, on est là pour faire de la musique énergique, pour donner aux gens l'envie de danser et de venir et se défouler, quoi. On est dans une génération où on se rejoint sur... une envie de rester dans une musique traditionnelle, mais en étant des gens de tous les jours, en mettant des baskets, en buvant du coca, et puis par contre en faisant de la musique ancienne avec des instruments qui ont du caractère et avec des échelles musicales qui sont pas utilisées dans la musique occidentale actuellement. Mais je pense qu'on est plusieurs dans cette génération à vouloir revenir à ces pratiques-là, en fait. Est-ce que ça serait une forme d'utopie sociale, politique, au-delà de l'attirance musicale, esthétique ? Je pense pas que ce soit une utopie parce que on le fait, donc c'est que c'est possible. Là où il pourrait y avoir un caractère utopique, c'est de se dire on va continuer à faire ces musiques-là éternellement et ça va continuer toujours à intéresser autant de gens. Alors il faut diversifier un peu, il faut réussir à ouvrir pour toucher le plus grand nombre et sensibiliser les gens à la culture et à nos musiques. Mais après, des fois, il ne faut pas prendre de raccourcis avec ça. Et donc, essayer de toujours amener les gens vers quelque chose d'authentique, même si ça ne veut pas dire grand-chose au final, parce que l'authenticité, c'est nous-mêmes qui fixons les critères de cette authenticité. Donc, il faut réussir à ouvrir sans avoir de complexe avec notre propre musique. Sur scène, les instruments sont au sol et les musiciens sont allés manger. Nous retrouvons deux jeunes chanteurs, Élodie Jaffre et Axel Landau, qui ont été formés au chant breton et au canne à discane, ce chant a cappella que l'on chante à deux en tuilant les voix et que l'on chante dans les bals. Alors moi je ne suis pas d'origine bretonne, moi je suis mayennais d'origine, aujourd'hui je suis en Finistère, mais c'est un peu un enchaînement de circonstances, de rencontres qui ont fait que je me suis mis au chant traditionnel d'abord en Haute-Bretagne, donc en français, en gallo, surtout en français, et ensuite au chant de Basse-Bretagne en langue bretonne. Mais je dirais que c'est qu'il y avait un espèce d'espace en moi qui était prêt à... qui cherchait, qui fouillait dans quel coin de quelle musique traditionnelle je pourrais trouver de la nourriture. Et ben, je me suis trouvé à vivre juste à côté de Beauvais, en Ille-et-Vilaine. Et là-bas, il y a des... tous les ans, il y a une fête du chant traditionnel qui rassemble plein de gens, et des anciens, et des plus jeunes, et des très jeunes, et des collecteurs aussi, des gens qu'on fait passer, qu'on fait l'espèce de pont entre la génération des anciens qui partent là, et qui d'ici une dizaine d'années seront partis, hein, pour la plupart, et puis les nouveaux qui ont envie de s'y mettre, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une passion... qui les prend pour ça. Je pense qu'en tant que jeune chanteur, il faut qu'on passe par une phase d'imprégnation auprès des anciens. Mais il faut aussi qu'on fasse quelque chose avec, après, nous, en fait, qu'on puisse faire perdurer la tradition, puisqu'on continue à chanter des chants traditionnels, mais en ayant aussi une marge pour créer. Et cette formation-là nous a apporté ça. On a plus envie maintenant d'aller d'écrire, de réadapter des choses, et après de pouvoir dialoguer avec les musiciens sur certains éléments musicaux, et s'inspirer aussi d'autres musiques du monde et puis d'autres styles de chant, et choses qui peuvent être difficiles quand on débute en fait là-dedans, parce qu'on se met des barrières, on n'ose pas, on n'est pas sûr de nous non plus sur certains points, parce qu'il faut rester dans la tradition. Il y a un poids. Il y a un poids, mais qui n'est pas négatif. Ouais, en fait. Et ben, je suis vraiment d'accord. C'est comme si c'était quelque chose de bien, mais qui n'était pas à sa bonne place. Tu vois ? Si tu regardes le poids, tu peux dire oh, c'est une super occasion de se poser plein de questions. Mais tant que tu le regardes comme quelque chose qui te tire vers le bas, et ben, c'est presque comme si tu regardais aussi la tradition comme quelque chose d'extérieur. Quoi. C'est là, et puis ça t'angoisse un peu parce que tu ne sais pas trop comment faire. Il y a un truc qui s'est passé progressivement là, pour moi ces derniers mois et qui a été un peu révélé avec le décès de Jan Fañch Kemener, avec qui j'ai aussi appris, tout comme toi, Élodie. C'est qu'en en fait, là, on a besoin de gens qui font corps avec leurs pratiques traditionnelles pour recevoir quelque chose de leur part qui est de l'ordre d'une certitude, quoi. De l'ordre de... Ce qu'on fait, on peut le faire, on peut le faire et on peut y aller avec confiance et envie. Et... Non, à la fin, pour moi, il y a trois motifs. Ouais. T'as le premier, t'as le deuxième qui est répété deux fois, et à la fin, t'as un bout de mesure 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Alors vous, Éric Marchand, vous avez fait partie d'une génération quand même où il fallait sauver les répertoires, sauver les instruments, réinsuffler de la pratique instrumentale et aussi proposer des choses qui relevaient de la création personnelle avec ces répertoires. Ça a été le défi de votre génération. Aujourd'hui, il y a quand même des réseaux de pratiques importants, en Bretagne en particulier, mais c'est vrai que ça existe partout aussi. Elles sont sauvées, ces musiques traditionnelles ? Est-ce qu'elles sont sauvées ? Est-ce qu'elles avaient besoin de l'être ? Les musiques populaires sont souvent bien plus fortes qu'on ne l'imagine. On aurait pu penser qu'à la chute du communisme en Europe de l'Est, les musiques populaires auraient décliné. Or, non. Elles se sont évadées vers des systèmes comme le turbo-folk, elles se sont électrifiées, elles utilisent des effets, des manières de sonoriser qui ne rentrent pas dans notre système occidental. Mais en tout cas, les musiques populaires en Europe de l'Est sont tout aussi vivantes qu'elles ne le furent du temps où elles étaient soutenues par les régimes en place. Ici, c'est quasiment la même chose. On entend des gens qui, depuis des décennies, voire des siècles, prédisent la fin des cultures populaires. Et puis, on est en 2019 et je travaille avec 18 musiciens sur scène qui connaissent parfaitement autant leur grille d'accords et les grilles de composition qu'ils ont travaillé au conservatoire. Une immense partie des collectages qui ont été faits au XXe siècle, notamment par des gens comme moi et bien d'autres, et via l'association d'Astume. Et qui ont cette double, voire cette triple culture d'avoir étudié avec des musiciens de Macédoine, de Turquie, d'Inde, pour savoir comment ils pouvaient penser les modalités, et de se construire dans la tête des ponts, des manières de penser la chose, et d'arriver à faire leur propre personnalité musicale. Donc voilà, je pense que quand on regarde les choses de l'extérieur, on peut s'imaginer que les musiques populaires, je dis plutôt populaires que traditionnelles, les musiques populaires locales sont en grand danger et en fait, elles ne le sont pas vraiment. Donc oui, on a collecté, oui, on a transmis et à aucun moment, je n'ai vraiment eu peur que les choses ne se passent pas comme elles se passent aujourd'hui. On a pu croire, notamment au niveau du chant, puisque quand on chante en breton, il y a de moins en moins de gens qui parlent le breton. Mais le chant a motivé plein de jeunes à pratiquer la langue bretonne. Donc ça a été une locomotive aussi pour la pratique de la langue. Yeah. synthétiseur dans une main et flûte en roseau dans l'autre, l'Arlésien Henri Maquet, alias Delta Sonic, réactualise à sa manière une figure historique du folklore provençal, le tambourinaire, le joueur de galouette tambourin. Inspiré par les poètes occitans et les musiques à danser de Provence et de Méditerranée, il propose un groove post-industriel qui mêle appli d'iPhone et flûte en roseau, synthétiseur et mâchoire d'âne. Le roseau, quand tu as 15-16 ans, quand tu es en Camargue, tu veux faire de la musique traditionnelle, tu n'as pas trop de magasins de musique, puis tu n'as pas trop de sous de toute façon. Donc tu te retrouves assez vite au milieu des cannes à avoir des flûtes en canne en plus, des gens qui ont des flûtes en canne, des galoubets, des fifres. Tu dis, bon, si j'essaie de m'en faire moi-même, ça serait pas mal. Donc j'ai pu me faire mes instruments, en effet, inventer des choses, expérimenter des choses. Et puis voilà, le roseau, c'est resté dans le paysage aussi comme un élément avec un opinel dans la poche qui m'a permis, juste en me baladant dans le paysage, de comprendre plein de choses sur l'acoustique, sur le fonctionnement du son, sur des règles de fabrication d'instruments qui m'a permis de faire d'autres instruments en argile, en plastique, en papier. C'est un outil et qui reste un outil de transmission important pour moi, soit pour des adultes ou pour des enfants. Justement, je peux déguiser un opinel et me balader dans la nature, dire regardez, voilà, on peut avec un couteau raconter des mythes, on peut faire du son, on peut produire des musiques complètement originales, on peut parler de géométrie, on peut parler de solfège, on peut parler de notions culturelles, on peut parler de plein de choses en fait, juste avec un opinel et ces graminées géantes qui envahissent tout le paysage, il y en a des centaines de milliers, c'est disponible à l'infini quoi. Il faut savoir les voir. C'est vrai que c'est étonnant aussi de à quel point les gens qui ont ça dans leur paysage l'ignorent tellement elle est présente en fait, ne la voient plus, tellement elle est partout. En fait, il y en a qui me surnomment ici à Arles, dans la culture, le couteau suisse de la culture provençale. C'est-à-dire quand ils ont besoin d'un truc où il faut tout fabriquer, s'il faut faire un truc, on ne sait pas qui va bricoler un truc là-dessus, ben ils pensent à Maquet, alors ils appellent Maquet, ils disent alors tu vois, on a pensé à un truc, enfin un truc sur les oiseaux et le tourisme industriel, pardon, est-ce que tu peux faire quelque chose? Voilà, oui, j'ai trouvé des trucs, pas de problème. Voilà, donc ça m'arrive de faire plein de choses en fait dans le pays d'Arles plutôt sous cette forme-là, parce que les gens me considèrent comme une espèce de ressource de plein de choses qui se croisent et qui sont liées au territoire aussi. Et ça, c'est, j'aime bien, ça c'est intéressant. Donc j'avais un gars dans mon village, Gaël Emery, qui s'intéressait à cette musique, qui était bien, lui, né dans ce territoire, dont la grand-mère parlait provençal, comme la mienne parlait wallon, et qui m'a transmis au départ ses premiers répertoires et ses premiers goûts pour les poètes de Camargue, la poésie provençale, tout ça. Et c'est pour ça que je dis le Delta, pour moi c'est la source, c'est là où j'ai commencé à apprendre, à découvrir en fait que tout au long de ce fleuve qu'allait être ensuite mes histoires musicales, en fait ça partait de là, de cette découverte dans ce territoire complètement étonnant qu'est la Camargue. J'ai découvert ça, ces répertoires, cette langue, voilà. Et le sonic, c'est un peu les dernières années, là où j'en suis arrivé, sur l'utilisation du son de manière plus large, pas forcément quand on a un instrument, mais à le voir de manière physique, qu'il soit fait produit ou par du roseau ou par un oscillateur électronique. En fait, on peut aussi échanger garder la même fonction, quel que soit l'objet par lequel ça se passe, quoi. Voilà. Mon seul but au départ, c'était comme je jouais du violon, de la flûte, du chalumeau, des percussions, de la voix, de plein de choses. Je me suis dit, j'utilise cet outil que je voyais passer dans les mains d'autres musiciens. Cet outil qui est le looper. Comme ça, je pourrais démultiplier ce son et faire des espèces de performances acoustiques enfin avec du son acoustique, en m'enregistrant au fur et à mesure. Et puis j'ai glissé petit à petit, j'ai rencontré dans un festival qui se fait ici à Arles, qui s'appelle Data Beat Me, une espèce de laboratoire autour des cultures numériques, etc. Je voulais un peu expérimenter des choses, et là j'ai rencontré des gens qui n'étaient absolument pas du tout, je sais même pas s'ils savaient que ça existait les musiques traditionnelles, ou vaguement, peut-être c'était une vague idée du truc, pour eux, des gens avec des sabots qui dansent labourés sur le marché, enfin je sais pas. Et je me retrouve, moi, avec ce projet-là, au milieu d'eux. Et puis voilà, c'était plein de bons conseils, de tuyaux, de comment je pouvais faire pour mon son. Puis, ce synthé, là, c'était fait. Puis voilà, petit à petit, ah oui, mais on peut composer aussi, avec des cassettes, de la Game Boy, de la bidouille. J'avais l'impression de me retrouver avec les luthiers du roseau, en fait. C'était les mêmes démarches. C'est pas des électroniciens scientifiques. Ils sont pas là à mesure des résistances. Ils y vont un peu au doigt mouillé, ils essayent des trucs, ils bricolent. Et ce qui marche, ils savent ce qui marche, et ce qui marche pas, ben, voilà, ils l'oublient. Fin. Donc ils avaient exactement la même démarche que les potes luthiers de musique traditionnelle. La musique traditionnelle, elle part de ce qu'elle est et elle s'explique après. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on ne peut pas la définir parfaitement parce que justement il y a une multitude de discours et c'est cette multitude de discours qui pour moi est intéressante. Ceux qui collectaient dans les années 50 nous disent que la musique traditionnelle n'existe plus parce que la société traditionnelle n'existe plus. Voilà. Genre après-guerre, il n'y a plus de société traditionnelle, elle disparaît, donc la musique traditionnelle n'existe plus. Si on leur demande à quand remonte la musique traditionnelle, ils sont capables de le dire. Ils parlent de la fin, c'est toujours un truc finissant. Voilà. Je pense que ça, c'est la manière de l'institutionnaliser aussi, d'essayer de la faire rentrer dans un cadre, de la mettre dans une impasse, la musique traditionnelle, de dire qu'elle est finie, elle est sur la fin. Donc on nous a beaucoup raconté ça. Mais en fait, elle survit toujours comme la langue aussi, qui est soi-disant morte depuis 600 ans. Quoi, voilà. Donc elle rebondit, elle se reconfigure, elle trouve d'autres places dans la société. Alors c'est vrai qu'on est une société voilà, post-industrielle qui a beaucoup subi beaucoup de changements au niveau de l'occupation, du territoire, de notre rapport à la nature, de nos organisations familiales, de nos quartiers, de nos espaces, de nos métiers, tout ça a changé. Mais ça n'empêche pas que cette musique, elle continue. Elle prend des formes différentes, elle prendra d'autres formes. Voilà, moi je me suis fait des amis luthiers qui bidouillaient des cassettes et des Game Boy. Voilà, je pense que les choses, c'est normal, ça évolue petit à petit. Puis moi, maintenant, je bidouille des tablettes et des smartphones pour faire de la musique traditionnelle. Et puis les objets, ils changent. En fait, on utilise toujours les objets qui sont autour de nous. Et on le fait toujours avec les gens qui sont autour de nous, finalement. Et dans le même fil d'idée, c'est de se rencontrer, faire du bal, exprimer les choses qu'on a envie d'exprimer assez librement. Quoi. De la marmotte déroutée. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Tu vas chanter aujourd'hui ? On a chanté tout à l'heure. Ouais. Je suis partie d'une chorale qui s'appelle Rumpa Baletti. Rumpa Baletti, ça vient de Rumpa Bal, casse-couille. Et voilà, Rumpa, donc on est Rumpa Baletti de Saorge, une chorale de Saorge. On a chanté un petit peu avant que la batucade apprenne l'intensité à la place. C'est des chants occitans ? Occitans et italiens, puisque nous on est vraiment entre les deux cultures. On a pas mal de chants italiens. Je suis en français aussi, puis occitan aussi. Et si la musique trad n'était pas à chercher dans les répertoires, les types d'instruments, les timbres, dans sa musicalité en tant que telle, mais dans les contextes où elle s'exprime? Et si le trad, ce n'était pas plutôt des situations, le fait de mettre la musique au service d'une cause plus grande qu'elle? C'est ce que nous sommes allés chercher à la Santa Capelina à Nice. Cette fête a lieu tous les ans, le 1er mai, et s'inscrit dans la tradition des fêtes de mai de la région. Elle a été créée en 1997 à l'initiative de collectifs du milieu alternatif niçois, Tsumai et les Diables Bleus, qui voulaient proposer une autre expérience de la ville, une sorte d'anti-Côte d'Azur à laquelle chacun peut participer et s'identifier. Cette fête de rue puise dans l'imaginaire occitan les ressorts de sa magie et de sa nouvelle poésie urbaine. Le pontail. Le pontail. C'est quoi le pontail? Ah, le pontail, c'est... l'art de ne pas se prendre au sérieux, l'art du n'importe quoi, avec une pointe d'anarchie carnavalesque, de bonne humeur, de se souvenir que cette vie, elle passe, qu'elle est... Elle est fugace et qu'il faut en faire son miel quand on est tous ensemble. Et voilà, c'est ça le pontail. Le mot en lui-même, en occitan, il a plusieurs significations, notamment bon, celle assez usitée du rêve. Pontail, c'est le rêve. Anaïs Vaillant. Ça peut être aussi quelque chose de négatif, le pontail, quelque chose un peu de fantomatique, un peu qui hante comme ça. Et puis ça peut être quelque chose de l'ordre de l'imaginaire, un peu délirant. Ça peut aussi faire référence à l'utopie, le pentail. C'est un rapport poétique en fait, le pentail. C'est faire et imaginer de très belles choses avec des objets de récupération, des petits trucs du quotidien qui ne valent pas grand-chose a priori. Et comment, en assemblant ces petites choses, on va créer un imaginaire qui va nous faire voyager ailleurs, qui va aussi nous relier aux gens, qui va nous permettre de rire aussi. Cette sainte, elle est fabriquée chaque année dans le Vieux-Nice par qui veut. Donc elle a un aspect différent chaque année et on ne sait jamais comment elle sera à l'avance, puisque c'est toujours du pentail, de la poésie, donc chacun vient avec des éléments et puis on la construit. Alors des fois elle est très élaborée, des fois elle est épurée, des fois elle a un lien à l'actualité, des fois non. Et donc elle trône au milieu de Robac à Peu et quand tout le monde vient avec son chapeau, son poisson, parce qu'on vient avec du poisson frais, du crabe, du poulpe, enfin n'importe quoi, et on va attendre que la soupe soit cuite. Ça prend quelques heures quand même. C'est un truc qui se passe, elle dépasse les conventions, elle dépasse les convenances, elle est surréaliste, et pourtant elle existe. Là tu la vois, tu entends des tambours, chacun a mené son poisson, on va faire la soupe, on va manger la soupe, on va traverser le Vieux-Nice, et on va mettre le boxon en vieille ville, on va revenir les plus courageux, pas moi, parce que non... Ils vont plonger Santa Capelina, t'as vu la statue, non? Tu l'as vu? Et ils vont la trimballer, là, comme ça, en procession, ils vont arriver sur la plage et ils vont la mettre à l'eau. Et puis Nice Matin, qui est complètement hors du coup, va, deux jours après, mettre sur sa une, quel est cet étrange radeau qui est venu s'échouer sur la plage. Et c'est Santa Capelina qui est revenu, voilà. Les gens ne savent pas. Alors, il n'y a rien de magique, mais c'est... voilà. Il y a cette chanson aussi qui est chantée, qui revient, qui est très courte et qui revient dès le début de la fête et régulièrement, dès que quelqu'un l'annonce, tout le monde répond. Et viva Capelina! Et viva l'occhio et Cantalaprina! Et puis donc on va jusqu'à la plage. Là, la sainte est noyée. C'est vraiment un rituel de nouvelle année, on va se laver, on va dans l'eau, on recommence une nouvelle année. Et voilà, et donc on coule tout ça. Et... la musique, c'est comme si elle délimitait un espace de fête et qu'elle diffusait la fête un peu au-delà de là où sont les gens. On entend la fête, on sait où est la fête, on arrive. Donc, c'est normal. Bon, c'est plus un vrai boulet de canon qui est tiré, mais c'est midi, c'est normal. La Santa Capeline s'inscrit dans la tradition des mascarades populaires, avec ses processions plus ou moins fantaisistes portées par un esprit carnavalesque. Là, dans les plis de la fête, les musiques trad s'ébattent et apportent leur savoir-faire. Des instruments sonores et claironnants pour porter loin, la dimension collective pour sonner fort, le rituel comme force inclusive, le plein air et l'espace public comme amphithéâtre. À Nice, c'est la rencontre de la brésilianité de la batucada locale avec les chants occitans. La batucada à Nice, c'est quelque chose de très important. Elle a été au tout début des carnavals indépendants à Nice. Et pour ça, on a fait appel à des musiciens, des percussionnistes, des batteurs qui étaient très inspirés par la musique brésilienne et la graille occitane. C'est un hautbois catalan. Et les Niçois vont être très rapidement se réapproprier la pratique de ce hautbois traditionnel catalan parce que c'est efficace. Et c'est encore, ça l'est plus vraiment. C'est-à-dire que je me retrouve la seule à jouer souvent de la graille maintenant aujourd'hui parce que cette graille-là, moi, je l'ai amenée dans le Languedoc avec Graioli. Et donc maintenant, la graille est jouée à Montpellier, etc., qui est beaucoup plus proche de la Catalogne, mais qui n'en jouait pas. Et à Nice, c'est quasiment plus joué. Ils ont tous des grailles, mais ils les sortent plus parce que ça demande une pratique. Donc chaque année, je leur dis allez, venez, prenez vos grailles, mais souvent, je me retrouve seule. Ouais, on est deux max, quoi. À Nice, on a beaucoup de mal quand même à survivre si on n'a pas un lien comme ça qui est à la fois festif, créatif et libre. Nous, ce qu'on veut, c'est la liberté. Nice, c'est quand même une très grande ville qui a une très grosse histoire de migration, de résistance aussi, au centralisme, voilà. C'est une ville assez conservatrice depuis toujours. Et en même temps, qui est traversée par aussi une culture populaire subversive, une culture populaire qui est reliée à l'Italie, qui est reliée à la montagne. Donc il y a une culture maritime très forte et une culture de montagne qui se rencontre ici. Et c'est une culture de la frontière. Une fête qui n'est pas identitaire non plus, parce que c'est une ville qui est traversée par ça, par le racisme, par l'exclusion. Donc on va défendre une fête où tout le monde peut arriver, où il y a à manger, où il y a à boire, où il n'y a pas de drapeau. Et donc, et où on va être dans l'espace public, dans une ville où c'est interdit quasiment, où on peut être très vite réprimé si on fait du bruit, alors qu'il y a du bruit, comme vous l'avez constaté depuis tout à l'heure, il y a tout le temps du bruit, mais pour faire des travaux, ça va, pour créer de la richesse, ça va, la richesse dans ce sens-là, mais voilà, si on fait de la musique, si on se rassemble, si on n'a pas d'autorisation. On chante, ça ramène à des moments simples, où on est ensemble, où on partage une soupe, un repas, une bouteille, c'est bête ce que je dis, mais quand on le vit sincèrement, ça fait un bien fou en fait. Des cultures populaires, elles n'ont pas disparu, elles sont toujours là. Enfin, elles ne sont pas forcément visibles dans l'espace médiatique et l'espace public, justement. Ont-elles vraiment disparu? On ne sait pas. En tout cas, il y a une transmission qui a été rompue, clairement. Moi, ce que je vois, c'est que dans le milieu, en tout cas des musiques traditionnelles dans lesquelles moi je suis, il y a cette volonté de recréer de la transmission, de recréer ces espaces de jeu, d'oralité, ça c'est sûr. Et dans la fête sauvage, qui est extrêmement politique, moi je vois vraiment une volonté de recréer des cultures populaires de lutte, en fait. Et donc le chant, c'est quelque chose de très connecté à ça, à la conscience d'être un groupe, à faire du commun. Le chant, par exemple, plus que le bal, mais le chant est vraiment fait partie de cette culture populaire. Là. Et là, on voit arriver, beaucoup de gens s'en vont de Nice, parce que Nice, c'est pas une ville très facile. Et le jour de la Santa Capeline, on les voit arriver de Marseille, de Montpellier, parce que c'est un grand moment qui nous ressoude encore par rapport à ce qu'on a vécu dans les années 2000, où on avait des squats, où on pouvait faire beaucoup de choses et créer. Et donc, ici, il y a des musiciens, il y a des créateurs, etc. Et c'est totalement libre. Et pour l'instant, on n'a pas eu d'interdit ni rien, puisque personne ne nous a rien dit, malgré le fait qu'il faille déclarer une manifestation. On ne le fait pas, parce que ce n'est pas dans l'esprit des Diables Bleus, ce n'est pas dans l'esprit de ce qu'on est. Et tout le monde nous dit comment on peut adhérer chez vous. On n'adhère pas chez nous, on vient, on met le chapeau, on danse, on s'amuse, on parle aux uns aux autres, et c'est fabuleux. Ici, tout est sujet à devenir une attraction touristique. Et même les fêtes alternatives, même l'authenticité, aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'il y a un rapport de force dans les cultures populaires. C'est que partout dans le monde, maintenant, le capitalisme voit aussi un enjeu énorme à vendre cette authenticité, à vendre ce côté populaire de la culture, parce que c'est ça, maintenant, l'enjeu. Il faut réussir à marchandiser ça. Et donc, il y a un rapport de force réel face à ces cultures populaires, face à ces musiques. On le voit avec la world music depuis longtemps. Et c'est des choses qui nous relient et qui nous permettent un petit peu de nous retrouver, de recréer des choses et de reconstruire un petit peu ce qui manque sur Nice. Toutes ces fêtes un peu guindées, qu'on aime, c'est pas qu'on n'aime pas, mais ça ne nous correspond pas. Et les touristes, à chaque fois, viennent me demander, mais on le savait pas, c'est pas dans le programme de la ville. Mais il n'est pas question que ce soit dans le programme de la ville. Et les gens sont très enthousiastes parce qu'ils sont admiratifs des chapeaux. Vous avez vu, c'est une rivalité, je veux dire. La Santa Capelline n'est pas réprimée. Je le dis, c'est important. Et c'est ça qui est assez admirable dans cette fête. C'est qu'elle a été pensée dès le début, depuis le siècle dernier, comme un contre-pouvoir, mais aussi comme une tradition. Le fait qu'on dise que ça a lieu tout le temps, tous les ans, au même endroit, à la même heure, fait que la Santa Capelline devient légitime. Elle devient une tradition que quand la police vient, et qu'elle voit des gens faire la fête, et qu'il y a une sainte, on ne sait pas laquelle c'est, mais on occupe l'espace public, on mange, il n'y a rien à vendre, il n'y a pas d'autorisation qui est demandée. Mais c'est devenu une tradition, donc elle est légitime. C'est ça qui est chouette. C'était Musique populaire sous influence. Le trad, nouvelle fabrique d'utopie. Avec Romain Wilton Morel, Éric Marchand, Clément Chauvet, Axel Landau, Élodie Jaffre, Alan Leutener, Henri Maquet et Anaïs Vaillant. Merci à tous les participants de la Santa Capelline. Merci à Catherine Billan-Loison. Merci à la FAMDT, la Fédération des musiques et danses traditionnelles. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Perrine Kervran. Prise de son, Bretagne, Lucien Lefebvre. Mixage, Julien Douminc. Réalisation, Nathalie Battus. Un documentaire de Péroline Barbet. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au conservatoire, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes et sur l'appli de Radio France, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, dernier épisode, la pop est-elle populaire ? Et pour encore plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs.